Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la coquine, les oasis du Sahara, les poissons dorés de la Chine et les jardins de l'Alhambra. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie, elle vole les rêves et les jeux d'une rose et d'un bouton d'or pour se les poser dans les yeux. Belle Isabelle, quand elle dort. Quand Isabelle rit, plus rien ne bouge. Quand Isabelle rit au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la cruelle, le rire des cascades sauvages qui remplacent les escarcelles des rois qui n'ont pas d'équipage. Quand Isabelle rit, plus rien ne bouge. Quand Isabelle rit au berceau de sa joie, elle vole les fenêtres de l'or qui s'ouvrent sur le paradis pour se les poser dans le cœur. Belle Isabelle, quand elle rit. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. Quand Isabelle chante au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la dentelle tissée au cœur de rossignol et les baisers que les ombrelles empêchent de prendre leur vol. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. Quand Isabelle chante au berceau de sa joie, elle vole le velours et la soie qu'offre la guitare à l'infante pour se les poser dans la voix. Belle Isabelle, quand elle chante.